Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Monte Cristo, Casanova, Fabrice Del Dongo, pour ne citer que ces trois-là, on s'est beaucoup évadé dans la littérature. Au cinéma aussi, muet, Charlot s'évadait déjà. On le fait ou on tente de le faire d'un camp de prisonniers dans la grande illusion de Renoir, de la santé dans le trou de Jacques Becker, d'Alcatraz dans le prisonnier du même nom. Évasions et cavales ont inspiré aussi de nombreuses séries. On pense en particulier au Fugitif et à la mythique série britannique de Patrick McGowan, Le Prisonnier. Dans la réalité, les évasions n'ont pas toujours l'héroïsme et l'élégance dont les parle la fiction. Révolte face à l'injustice d'une peine trop lourde ou à la condition même de détenu, elles sont souvent des gestes désespérés dont les conséquences peuvent être parfois tragiques. C'est ce que l'on entend dans la troisième émission d'une série de cinq que Jean-Pierre Milovanov consacrait à l'évasion en 1983 pour Les Nuits Magnétiques. Bonsoir. Upon your arm, a burst and bloody nose. Call the police for the 100th time. Keep on getting a familiar line. It's nothing to do with us, they say. Shouldn't argue anyway. You should know by now. You're just a slag, just a cow. You shouldn't have let him down. After all, he is your husband. After all, he is your husband. But what's that got to do with me? I'm just a man and I've been there, you see. Felt the violence and felt the pain. Liberated, I won't go there again. Go there again. Go there again. Go there again. I can hear you crying. Not an answer from the room. Out there somewhere drinking out his failure and his doom. He wants to know if you return again. But enough's enough. Enough's enough. Enough's enough. Enough's enough. Enough's enough. She holds your hand. She's a woman, not a man. She's a woman and she understands. Let me tell you, she understands. She knows, and I know, there is a much, much better road. Much, don't go there again. Don't go there again. We won't go there again. We won't go there again. Oh, on est toujours tendu, vous savez, comme un gars qui va sauter peut-être d'un parachute, comme peut-être même d'un astronaute, je sais pas, peut-être comme un gars quand on... On est tendu comme au départ d'une course, on est d'une course quelconque, d'un exploit, quoi. C'est un exploit en soi, parce que c'est préparé et tout. Moralement, physiquement, il faut être prêt. Et à la dernière minute, c'est difficile de faire le vide. Alors on est tendu, ça, voilà, c'est libre ou mourir. Ou je serai libre dans une heure, ou je serai mort avant. Et voilà, c'est ça, c'est cette tension-là. Mais enfin, on arrive. La facilité pour, j'allais dire pour moi, c'est que j'étais prêt. Parce que j'étais seul en cellule pendant des années, et je m'étais un peu forgé ce caractère-là de faire front à tout ça. Et je me suis aperçu, après, quelques heures souvent après, où j'étais vraiment beaucoup plus traumatisé, si vous voulez aller par là, qu'avant ou pendant l'évasion. Il y a un vide qui se fait. Ça m'est arrivé un jour, par exemple, quand j'ai fait un jour un fourgon bancaire dans les environs de Paris, et c'était très difficile. Il y avait des gendarmes, il y avait un tas de trucs. Ça a été très difficile. Il a fallu garder un sang-froid extraordinaire. Il n'y a pas eu de coup de feu. Les gendarmes ont tiré, tout ça, mais enfin, ça fait rien. Personne n'a été blessé. Ça s'est passé en souplesse. Et je me suis aperçu après. Que je tremblais un petit peu, que je venais d'échapper à un vrai truc. Mais j'avais fait le vide. J'ai eu un espèce de... Il y a un moment donné, en soi, quand on fait un acte, je pense, je sais pas, peut-être qu'il y a des garçons à la guerre qui ont éprouvé dans les corps francs des moments comme ça. C'est des moments neutres, vides. On est là, on est tendu avant, mais pas pendant. Pendant, c'est le vide. Il y a quelque chose qui agit, le subconscient. C'est presque de l'automatisme. Mais alors après, évidemment, il y a la répercussion. On se dit, oh là là, je viens de me sortir d'un vrai bain glacé, j'ai de la chance, etc. Bon, ben, c'est pas toujours de la chance, parce qu'il faut quand même prévoir les choses. Il faut les amener à la réussite au maximum. Et une fois de plus, sans passer sur le corps des gens. Voilà, c'est tout. Belle, nouvelle récidive. Résumé des tentatives précédentes. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Partout aussi, on le voit essayer contre tout espoir de s'y soustraire. Déjouer la surveillance, échapper aux gardes, faire le mur, filer, mettre les bouts. Obsession de milliers de détenus et de prisonniers dans le monde. La question que l'on pose à chaque évasion n'est jamais « pourquoi » mais « comment ». Question de moyens. Tout commence toujours dans la tête. Au départ, il y a le désir, les projets, les plans, la dissimulation et la patience. Hier, on l'a vu, sur le terrain, tout se joue en quelques secondes, sur quelques mètres. Mais il faut chaque fois se surpasser, découvrir d'autres stratagèmes, d'autres parcours. ce qui entraîne inévitablement la mise au point de systèmes de surveillance plus sûrs. L'évasion, les chiffres le prouvent, du moins en France, devient de plus en plus rare et de plus en plus difficile. Si ce changement résulte d'une amélioration du sort des détenus, auquel notre espoir est proposé, il faut s'en réjouir, mais s'il n'est que l'effet d'un bouclage plus raffiné, attention. De la sécurité à tout prix naît le danger. L'intrusion de l'électronique dans le champ social fait de l'homme l'élément le plus fragile du dispositif de contrainte. Nous ne sommes pas pour un monde où les femmes sont prises en otage, où les flics sont abattus parce qu'ils sont des flics. Mais il faut se souvenir aussi de celui qui a perdu le chemin, proclamé le grec bien avant le nazaréen, et surtout ne pas oublier que dans les prisons, comme ailleurs, il n'y a de sécurité que dans l'espoir. Belle, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Milovanov, La fille de l'air. Je crois que lorsque tu rentres, tu as un traumatisme. D'abord, quand tu rentres, tu refuses la situation. Un type un peu battant refuse la situation. Il arrive et il dit, c'est pas possible. C'est... Parce que tu vis toujours avec ce que tu aurais dû faire, tu comprends? Je m'explique. Si tu es arrêté à 6 heures, Serge, ta vie s'arrête d'un coup. Jusque-là, tu étais libre de tes mouvements. C'est-à-dire qu'à la veille ou l'avant-veille ou le jour même, tu avais prévu à 7 heures du soir de te retrouver dans un endroit précis, d'avoir rendez-vous avec une fille, d'aller au bal, d'aller manger, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma. Tu as eu tout un programme qui est encore échelonné sur 15 jours. Tu prends ton carnet de rendez-vous, tu as des rendez-vous jusqu'à pendant 15 jours. Et tu t'aperçois que d'un coup, tout ça, tu peux plus le faire. C'est dramatique pour toi, parce que tu as une rupture avec la vie normale. C'est-à-dire que tu dis, pendant 15 jours, pendant tous les temps que tu avais prévu ta vie, que tu l'avais organisée, même à la limite des vacances, tu avais dit, tiens, je partirai aux Seychelles, je donne un exemple, au mois de juin, tu te fais arrêter au mois de janvier, eh bien, de janvier à juin, tu dirais, dire que j'aurais dû être aux Seychelles, tu vois. Et ben là, ça va durer tout le temps que tu auras des perspectives dans le temps. Des perspectives de rendez-vous, ça va te durer, ça va te dire, oh là là, dire que j'avais rendez-vous avec Mireille, dire que j'avais rendez-vous, dire que j'aurais dû... Tu vois, c'est très traumatisant, parce que d'un coup, tu aperçois que vraiment de ce que tu as perdu, de ta frustration véritable. Et ça, c'est quelque chose qui est traumatisant au point que tu cherches à le retrouver. Tout de suite, donc, c'est la tentative d'évasion. Tu cherches dans ta tête comment partir de là le plus vite possible. Et puis après, tu as ce que je pourrais appeler un moment où tu es amorphe. Bon, je dis ça dans un de mes livres, j'explique ce qui se passe. Pendant, je crois, 2-3 mois, tu as plus de stress matinal, par exemple. Tu sais, l'érection matinale, qui est un signe de bonne santé sexuelle chez un homme, tu l'as plus. Tu penses plus à ça, tu vois, c'est fini. Je veux dire que c'est quelque chose qui... Tu es coupé du monde à tel point que tu as des traumatismes de cet ordre-là. Or, pendant 2-3 mois, selon les individus, ça peut varier, évidemment, tu peux dire que tu vis dans un état de léthargie tel que tu as plus envie de t'évader. Tes 15 premiers jours étant passés, je crois que c'est terminé, parce que tu as tendance un peu à assumer le coup et à dire, c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Et puis, après les 2-3 mois passés, alors là, reviens ta... Tu reprends le dessus, c'est-à-dire que ta léthargie, ton état de amorphe disparaît peu à peu pour faire place à un type qui commence à dire « mais là c'est trop, qu'est-ce que je fous ici ?» etc. Et là, jusqu'à ton procès, tu as envie de t'évader. C'est une chose à laquelle tu songes sans arrêt. Tu as vraiment envie, puis le procès arrive. Et le procès, selon son importance, selon l'importance de la condamnation, tu vas... avoir ton envie qui disparaîtra ou qui va se renforcer. Si tu es condamné à une peine de 3 ans alors que tu as fait 2 ans de prévention, sans pouvoir t'évader, il est évident que ton désir d'évasion s'émousse. Si en revanche tu as fait 2 ans et que tu as été condamné à 10 ans, il reste 8 ans derrière encore à faire. Ton désir d'évasion peut pas s'émousser. Il continue. Et donc tu as tendance à vouloir t'évader encore pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que... Un homme réfléchi, en fait, un homme ou une femme, mais enfin un individu réfléchi, puisse se dire que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Encore que là, c'est très différent avec chaque individu. On a vu des types s'évader pour 6 mois qu'il leur restait à faire. Mais parce que les circonstances s'y prêtaient. Un type qui rentre pas de permission, qui a 6 mois à faire, il réfléchit pas à l'intérêt qu'il a à rentrer ou à pas rentrer. Il reste que 6 mois à faire, il se met dans une situation assez stupide pour 6 mois de prison, alors qu'il a peut-être fait déjà 4 ou 5 ans. Et puis tu as d'autres types qui va leur rester 2 ans, 3 ans à faire, ils vont pas s'évader, même si tu les laissais sortir. Parce qu'ils se disent dans quelle situation je vais me mettre pour 2 ou 3 ans. Parce que quelqu'un qui a déjà vécu l'évasion sait très bien ce que ça implique. Tu comprends? Tu vis quand même comme un poireau. Non, tu peux pas faire les choses que la plupart des gens font. Tu peux pas te retrouver la nuit, tu peux pas sortir le soir, tu as peur de sortir le soir, tu te retrouves dans une situation de tube digestif. Tu survis mal. Parce que tu survis frustré d'un tas de satisfactions qu'ont les gens normaux. Et puis tu vis aussi avec l'angoisse. Chaque fois que tu vois un type qui a une mine étrange ou qui te regarde 2 secondes de plus qu'il n'est coutumier de le faire, eh bien tu vas penser que c'est un flic. C'est un type qui va te dénoncer, qui va te mettre les menottes aux mains. Tu es toujours sur le qui-vive, toujours aux aguets. Tu es toujours stressé. Tu es toujours sur le point de te demander « mais qui c'est ce type-là dans la rue ?» Tu n'oses plus aller dans les endroits où tout le monde va, quoi. Le moindre lieu public, c'est un danger que tu cours. Inter, nos informations présentées par Annette Ardis. Course-poursuite dans l'Oise après deux évadés du centre pénitentiaire de Liancourt. Les hommes sont armés. Malgré les barrages et le déploiement des forces de police, ils ont réussi jusqu'à présent à s'échapper en prenant un otage et en laissant tomber par la fenêtre des messages indiquant qu'ils étaient prêts à faire sauter la voiture et à tuer l'otage si on ne les laissait pas passer. Les deux hommes, il faut le dire, n'ont rien à perdre puisqu'il s'agit de condamnés à perpétuité. La police a dû relâcher son étreinte. Des précisions tout de suite avec notre reporter Sylvain Augier qui se trouve dans la région de Pontoise, dans le Val d'Oise. Nous sommes condamnés à perpétuité. Nous n'avons rien à foutre de mourir. Si vous ne nous laissez pas passer d'ici 5 minutes, on fait sauter la voiture. Réponse, 5 appels de phare. C'est la teneur des messages qu'ont écrit les deux hommes sur des bouts de papier à l'adresse des gendarmes qui les suivaient de très près il y a maintenant moins de 2 heures. Les deux hommes étaient en effet pratiquement cernés de toutes parts dans la région de Tricot, dans l'Oise. Ils avaient avec eux un otage et au moment où ils ont lâché ce message, ils ont montré ostensiblement aux gendarmes qui les poursuivaient, qu'ils étaient prêts à tout. Ils ont montré par les fenêtres de leur véhicule des grenades dégoupillées et le revolver braqué sur la tente de leur otage. C'est à ce moment-là que le colonel Nicolas, qui commande le groupement de gendarmerie de l'Oise, a décidé d'aviser la préfecture et de laisser passer la voiture des fugitifs, qui ont alors pris la direction de Paris, sur la route nationale 1, à partir de Noailles, puis la direction de Méru vers Pontoise, dans le Val d'Oise. Les deux hélicoptères de la gendarmerie qui suivaient le véhicule ont décidé également d'abandonner la poursuite à la tombée de la nuit, conformément aux ordres du commandant Nicolas. À présent, la voiture a été signalée dans la direction de Sarcelles. Les gendarmes sont appelés aussi. Pour les repérer, il s'agit d'une GS-10. C'est assez difficile de vous entretenir de l'affaire de Raymond Guérin, puisque cette affaire est à l'instruction, que je suis tenu au secret de l'instruction, et que je ne peux vous en dire que ce que les journaux en ont dit, et ce qui a filtré de l'instruction. Ce que je peux vous dire, c'est que Raymond Guérin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué sa maîtresse. Maître Philippe Lemaire. Ce que je peux vous dire également, car il a été condamné en audience publique, et dans ces conditions, il n'y a plus de secret de l'instruction, Raymond Guérin s'attendait à être condamné à 15 années de réclusion criminelle. Pour lui, qui avait déjà effectué 5 ans de détention préventive, cette peine de la réclusion criminelle à perpétuité a été un véritable effondrement. Et il s'est vu définitivement enterré dans une prison, alors que, je le crois très sincèrement, s'il a tué sa maîtresse qu'il avait quittée, c'était parce qu'il avait un sentiment très profond pour cette femme. Ça ne valait incontestablement pas la réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est là, effectivement, que l'on aborde un problème important, c'est la responsabilité de ceux qui jugent les criminels. Je crois qu'il faut qu'une peine puisse être acceptée par celui que l'on condamne, qui sait très bien qu'il a commis effectivement des choses graves, mais qui espère bien évidemment, et c'est très humain, être compris par ceux qui le jugent. Et là, Raymond Guérin n'a absolument pas compris, et on a fait de cet homme qui, s'il avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, comme cela devait être, aurait certainement fait sa peine tranquillement et sans faire jamais parler de lui. Mais la révolte qui a été la sienne quand il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité explique ce désir d'évasion. Alors, il faut rappeler que Raymond Guérin, lorsqu'il avait été arrêté après son crime, il avait été arrêté un mois après son crime et il avait fait une tentative de suicide extrêmement grave puisqu'il s'était tiré deux balles dans la région du cœur. Il avait été dans le coma pendant 3 semaines et c'est un homme assez diminué qui avait été placé ensuite en détention. Il avait été malade également des poumons et après avoir été placé au Centre national d'observation de Fresnes pour savoir quelle était la prison qui était à même le mieux de le recevoir, il avait été placé à l'hôpital de Liancourt, qui est une prison hôpital. Et c'est là qu'effectivement, il a préparé son évasion et qu'il a réussi à l'aide, effectivement, de complicité extérieure. Mais vous savez, il n'existe pas d'évasion sans complicité extérieure. Et c'est dans ces conditions qu'il a réussi à se faire passer une pince pour couper le grillage et également un revolver dont il a menacé les gardiens et il est parti, on lui avait préparé une voiture et il est parti. Et il est parti avec un garçon qui est également poursuivi, qui s'appelle Maximovitch, qui lui aussi était dans un état de désespoir total, puisque c'est un garçon qui avait été opéré d'un cancer, du larynx, qui ne peut presque plus parler, et qui, pour une série de hold-up, à peu près semblable, pour 4 hold-up, avait été condamné par une cour d'assises à, je crois, 6 ou 8 ans d'inclusion criminelle, et par une autre cour d'assises pour 4 hold-up exactement du même style à la réclusion criminelle à perpétuité. Des hold-up qui n'avaient pas été semblants et qui étaient faits d'ailleurs d'une manière assez particulière, puisque ne pouvant pas s'exprimer, il se présentait à la caisse avec un papier où il y avait été écrit dessus « c'est un hold-up ». Ça rappelle un peu le film de Woody Allen qui effectivement fait un hold-up en inscrivant un mot pour le caissier. Bon, ça ne paraissait pas extrêmement grave et pourtant il s'est trouvé un président d'assises, des assesseurs et des jurés pour le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité, faisant de lui effectivement un désespéré. Et à partir du moment où vous faites un désespéré en matière de justice, eh bien il faut s'attendre à ce qu'il fasse tout pour essayer de partir et créant ainsi les pires difficultés à l'administration pénitentiaire. La chasse à l'homme continue en région parisienne. Policiers et gendarmes veulent à tout prix, on les comprend, retrouver la trace des deux dangereux gangsters qui se sont évadés hier en fin d'après-midi de la prison hôpital de Liancourt dans l'Oise. Les deux hommes, Michel Maximovitch et Raymond Guérin, sont armés et ils ont pris en otage avec eux pour couvrir leur fuite une jeune femme de 33 ans, Madame Laurence Benoît, qui se promenait dans les bois avec son mari. Le point des recherches avec Serge Martin de Radio Seine-et-Marne. Alors, ils ont trouvé une voiture qui était une Peugeot, je crois. Et ils sont partis, et très rapidement, bien évidemment, l'alerte a été donnée au niveau de la prison de Liancourt, et ils ont été poursuivis. Et il est vrai que à ce moment-là, ils ont commis l'erreur de prendre quelqu'un en otage, une jeune femme, pour protéger leur fuite et pour demander aux forces de l'ordre qui les avaient pris en chasse, très normalement, cesser de les poursuivre. Alors, j'indique quand même, parce que cela, ça a été dit, et l'on a d'ailleurs interviewé à la radio celle qui avait été prise en otage, elle a confirmé que Guérin et Maximovitch s'étaient bien comportés. Bien sûr, ce doit être placé entre guillemets, puisqu'il y a quand même une contrainte, mais bien comportés vis-à-vis d'elle, et qu'ils avaient toujours été assez corrects. Je crois que c'est important. J'étais intervenu alors à la radio, en faisant un appel à Guérin, car je le connaissais bien et je savais qu'il ne pouvait pas me semble-t-il, faire du mal à cet otage. Et j'étais intervenu à la radio et à la télévision en lui demandant de relâcher au plus vite l'otage, car cette vie devait être protégée. D'ailleurs, je n'avais pas beaucoup d'inquiétude, car je savais Guérin incapable de maltraiter cet otage. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un témoignage doublé d'un appel qui a été enregistré il y a moins d'une heure par Brigitte Rinaldi, celui de l'avocat de Raymond Guérin, maître Philippe Lemaire, qui lance donc un appel à la raison pour son client, toujours en fuite. Il n'est jamais trop tard pour interrompre des faits que l'on est en train de commettre. C'est dans ces conditions que il est absolument indispensable, et je lui demande avec beaucoup de fermeté, que Raymond Guérin relâche l'otage s'il est encore avec lui, car il s'agit de quelqu'un d'innocent, et les faits qu'il est en train de commettre ne ressemblent pas au Raymond Guérin que j'ai défendu et que je connais bien. Alors donc, si Guérin écoute en ce moment France Inter et qu'il vient d'entendre son avocat, eh bien qu'il écoute ses conseils, c'est certainement le mieux à faire. Ce qu'il a fait, puisqu'il a effectivement rendu la liberté à cet otage, et ils ont tous les deux disparu dans la nature. Et puis, la police a fait son travail, le commissaire Broussard, dont on connaît l'habileté, a finalement réussi à, pour prendre une expression de police, à loger Guérin et Maximovitch, et finalement ils sont intervenus dans un appartement qui était situé, je crois, à Aulnay-sous-Bois. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Maximovitch et Guérin étaient dans une pièce d'un appartement, et Guérin, dès qu'il a entendu les hommes du commissaire Broussard rentrer dans l'appartement, il a très rapidement compris qu'il était repris, et il s'est précipité sur son revolver, qui était un 9 mm, et il s'est dirigé le canon de l'arme sur le cœur. Broussard, qui est un homme qui apprécie les situations, s'est rendu compte que Guérin ne plaisantait pas, et que effectivement, s'il faisait un pas de plus, il se serait suicidé. Et le commissaire Broussard a eu, me semble-t-il, une très bonne réaction, qu'il faut incontestablement porter à son crédit. Guérin a dit « Je veux voir mon avocat, Maître Philippe Lemaire ». Et c'est dans ces conditions que Broussard m'a appelé, a réussi à trouver mon numéro de téléphone personnel, et m'a appelé. Il était 5h30 du matin. Et je veux dire qu'au début, j'ai cru un peu à une plaisanterie. Ça arrive, et je l'ai rappelé, et effectivement, il m'a dit, il m'a expliqué ce qui s'était passé. Lui et moi savions que Raymond Guérin était très capable d'appuyer sur la détente. Et Guérin a exprimé le désir que je vienne à Aulnay-sous-Bois. J'ai demandé au commissaire Broussard ce qu'il en pensait, et je lui ai dit, moi je veux bien venir et je veux bien essayer d'avoir une conversation avec Guérin. Je suis allé à Aulnay-sous-Bois et j'ai eu une conversation avec Raymond Guérin, conversation assez difficile parce que finalement je n'avais pas grand-chose à lui offrir. Je savais qu'il était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Je savais qu'il allait effectivement être condamné pour cette évasion parce qu'il y avait quand même une prise d'otage. Je n'avais donc pas grand-chose à pouvoir lui présenter comme argument. Mais, bien évidemment, il avait des attachements dont j'ai joué. Et il y avait sa mère, qui est une femme très digne, et qui s'occuper de lui, il a une fille, et c'est en jouant un peu sur cela, et en lui promettant quand même un certain nombre de choses que j'ai pu obtenir au bout d'un quart d'heure de discussion, qu'il me remette son arme. Je dois dire que les hommes du commissaire Broussard ont été tout à fait parfaits dès qu'il m'a remis son arme. Ils ne se sont pas précipités sur lui. Tout s'est passé très calmement et avec beaucoup de sang-froid du côté des forces de l'ordre. Je dois avouer que je ne veux pas dire regretté, parce que quand on intervient pour sauver la vie de quelqu'un, la vie, vous savez, je n'ai jamais changé de position, que ce soit la vie des victimes ou que ce soit la vie des délinquants ou des criminels, je trouve que c'est quelque chose d'inestimable. Donc, sauver une vie, quelle qu'elle soit, c'est important. Mais je dois dire que, après, j'aurais pu penser que l'on me ferait, étant donné mes deux interventions, quelques crédits et que j'aurais pu trouver un peu de compréhension en faveur de Raymond Guérin, qui finalement n'avait fait que d'essayer de retrouver la liberté après avoir été désespéré par une condamnation trop longue. Je ne peux pas dire que cette compréhension pour mon client et cette une sorte de mansuétude, je l'ai trouvé chez le juge d'instruction. Je n'en dirai pas plus, mais il est certain que cette instruction est menée d'une manière extrêmement dure par un juge d'instruction qui devrait peut-être comprendre qu'un homme qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, finalement, n'a rien à perdre et qu'il y a incontestablement des attitudes qu'il faut savoir comprendre. Walking, talking to myself. Else. I see the lights down below. Watch them swirl as they go. DJ and leopard skin. Face all drawn, face all thin. Walking the line for you. Talking to myself. Sometimes there's no one else. There was a little boy with cracked knees standing by the water's edge, and he started to cry. Feeding swans Sundays. Oh, see the lovers they lay. Sweet, sweet, sweet memories. I don't know what to say. All these lights getting in my way. Turn them down, don't let them shine. The darkness is mine, all mine. The darkness is mine, all mine. The darkness is mine, all mine. Je crois aussi qu'il faut porter au crédit de Raymond Guérin l'attitude suivante. Je crois qu'il aurait pu effectivement ne pas se faire reprendre s'il avait été seul. Mais il est certain qu'il n'a pas voulu abandonner Maximovitch. Maximovitch était malade et étant malade, étant handicapé, il a voulu et il a voulu rester avec lui. Et il est certain que lorsque l'on est deux, c'est plus difficile de se dissimuler que lorsque l'on est seul où on peut plus facilement se noyer dans la foule. Il faut se souvenir aussi de celui qui a perdu le chemin. Dans l'affaire Guérin-Maximovitch, telle que nous la connaissons par les médias, il y a un tel déséquilibre entre les faits et leurs conséquences que nous nous surprenons à rêver d'un monde où les dieux étaient plus malins et plus vifs que les ordinateurs et les juges, eux qui pouvaient lancer et reprendre 7 fois les dés avant qu'il ne retombe sur notre tête. Héritier d'une civilisation qui, sauf erreur, inventa le rachat, nous voulons croire que la justice ne s'acharnera pas à faire d'un homme incapable d'articuler le mauvais symbole d'une humanité sans voix. Là-haut, c'est une photo de Pierre Pourrat. Pierre Pourrat, il est mort libre d'ailleurs. On a mis je ne sais combien de mois à s'apercevoir qu'il avait un cancer qui le rongeait. Et lorsque j'ai réussi à le faire mettre en liberté, il est mort le lendemain. Pierre Pourrat, c'était le gang des Lyonnais. C'était une évasion qui était celle de la maison d'arrêt de Valence. Et c'était une condamnation à la cour d'assises de Lyon à 10 ans de réclusion criminelle. Maître Jean-Louis Pelletier. Ça, c'est Martine Villoquet et Jean-Charles Villoquet, lors d'un de leurs deux procès. C'est au cours du procès de l'évasion, je crois. C'est lors d'une suspension d'audience. Ça aussi, c'est l'évasion du palais de justice, où ils avaient emmené en otage le président Cosette, le substitut de la 14e chambre aussi, et ensuite une fusillade au cours de laquelle deux militaires ont été grièvement blessés. Ça, c'est une autre affaire qu'on peut relier à une évasion, puisque c'est un croquis qui a été fait par Donga, qui était un dessinateur qui a disparu, et c'est au cours du procès de Christian Jubin, qui lui était parti du palais de justice de Paris aussi en enlevant le juge d'instruction Magnan, le greffier, la greffière en otage. En dessous, c'est Jacques Mérine. Je suis en train de plaider pour Mérine. Là aussi, il avait été question d'évasion déjà avant même que n'intervienne la fameuse évasion de la prison de la Santé avec Besse et Rive. On avait parlé de l'évasion du palais de justice de Compiègne, où il avait réussi à partir en ayant dissimulé, avant d'être arrêté, une arme dans les toilettes de ce palais de justice, où il savait qu'il viendrait nécessairement. Lorsqu'il a été sur le point de comparaître en correctionnel, il a demandé l'autorisation d'aller aux toilettes. On l'a lui accordé, il a réussi à se saisir de cette arme, donc, qu'il avait cachée là. Et ensuite, revenant dans la salle d'audience, il a pris le président du tribunal en otage et il a réussi à s'évader. Et en bas, alors, on peut aussi peut-être parler d'évasion, mais c'est l'un des souvenirs les plus douloureux de ma vie professionnelle. Je suis avec mon ami Philippe Lemaire et nous sommes en train d'entendre le verdict de mort qui est prononcé contre Philippe Maurice, qui par suite, qui avait par la suite tentera de s'évader du quartier des condamnés à mort où il était enfermé dans des conditions dramatiques qui lui ont valu une autre condamnation. Vous savez, la détention est reçue de façon différente par celui qui l'a subie. Je connais personnellement, et il n'a pas été de mes clients, alors je peux en parler très librement. Je connais quelqu'un qui a été puni très sévèrement. Il a été condamné à 15 années de réclusion criminelle, dans une affaire célèbre d'ailleurs, où il était totalement innocent. Et où malheureusement, tout le monde savait, disons que toutes les autorités savaient qu'il était innocent, mais ça faisait partie d'une espèce de boucle judiciaire qu'il fallait boucler. Et cet homme a donc été condamné à 15 années de réclusion, sur lesquelles il a effectué 12 années. Il a, avec beaucoup de lucidité, de courage, enfin on peut appeler ça comme on veut, et de réalisme en définitive, il a considéré qu'il était innocent mais qu'il payait aussi un mode de vie parce qu'il n'avait jamais essayé de se faire passer pour un petit saint. Et pendant les 12 ans de sa détention, il a réussi pratiquement à se mettre entre parenthèses. Et je sais, parce qu'il me l'a dit plusieurs fois, que quelle qu'ait été l'injustice de son sort, il n'a jamais pensé, lui, à s'évader. Et vous avez des gens qui, au contraire, la perspective d'avoir à accomplir 6 mois, 1 an, 5 ans de prison, mettraient tout en œuvre pour essayer de s'en aller. Mais il y a aussi très très loin de la coupe aux lèvres. C'est ce qui fait que, je crois, je ne connais pas les statistiques, mais en définitive, il y a assez peu d'évasions tentées et il y en a encore beaucoup moins de réussies. Quand il leur reste une petite peine, ou quand ils vont comparaître, ils n'ont pas envie de comparaître devant les assises avec la tâche de l'évasion, parce qu'elle est quand même gravissime. Isabelle Pelletier. C'est un beau paradoxe. Mais enfin, en principe, c'est comme ça. Et entre autres, par exemple, l'affaire de Daniel de Brielle sur les quartiers de haute sécurité de Lisieux, le fait qu'il ait comparu à son procès en s'étant évadé, en ayant essayé de s'évader, lui ôtait toute crédibilité quant à une éventuelle innocence. Les femmes qui sont en détention, qui sont beaucoup moins nombreuses que les hommes, il y a un millier de femmes pour 28 000 détenus hommes, en principe, elles ne s'évadent pas, ou elles s'évadent très très peu. Alors je pense que ça tient au fait que les peines décernées à des femmes sont des peines nettement inférieures, sont des peines souvent correctionnelles, puisque les femmes sont détenues pour des problèmes de vol, de chèques sans provision, d'escroquerie. Et sur les longues peines, c'est-à-dire les femmes qui sont à la centrale de Rennes, il y a très très peu qui s'évadent. Je pense que ça vient du fait qu'il y a une forme de résignation chez la femme en prison qu'il n'y a peut-être pas chez l'homme. C'est-à-dire que la femme emprisonnée pour une peine comme perpétuité, 20 ans, ce qui arrive quand même, considère peut-être qu'elle expie sa faute, qu'elle est punie, et elle l'accepte mieux. Et puis cela vient certainement aussi du fait de sa solitude, parce qu'une femme en prison est rarement assistée. Alors que les hommes en prison sont très régulièrement assistés par leur femme ou par leur compagne, une femme en prison est seule. Alors s'évader pourquoi ? Pour la liberté, ça c'est un raisonnement d'homme. Le raisonnement d'une femme, ce serait plutôt on s'évade pour rejoindre quelqu'un. Et plus souvent, elles n'ont personne. Donc, elles se résignent. Peut-être aussi le troisième volet, c'est que pour s'évader, il faut des dons de bricolage. Il faut être fort physiquement, on ne s'évade pas comme ça. Et ce n'est pas encore des qualités féminines. Alors, à part un nombre infime, les femmes ne s'évadent pas. Pour ce qui est de l'aide qu'elles peuvent apporter à l'évasion de leur compagnon, alors là, ce sont des vraies battantes. Parce qu'il faut reconnaître que quand une femme a décidé d'aider quelqu'un qui est en prison, elle va jusqu'au bout. La femme est jusqu'au boutiste. Elle est romantique et romanesque dans cette circonstance. C'est-à-dire que son raisonnement, c'est plutôt mourir avec lui que vivre sans. C'est très beau, c'est très romantique, ça les conduit inévitablement tôt ou tard à nouveau en prison d'ailleurs, elle aussi. If you were still around, I'd hold you. I'd hold you. I'd shake you by the knees. Blow out in both ears. If you were still around, you could write like a panther whatever got into your veins. What kind of green blood swam you to your doom, to your doom? Antoine Comte Lavalette. Il était né à Paris en 1769. Il a d'abord été officier dans les armées de la République, ce qui le prouve comme un démocrate, quoique noble. Puis plus tard, il a pris du service aux côtés de Bonaparte. Avec lui, il était à Saint-Roch lorsque Bonaparte a écrasé les royalistes et pris le titre de général Vendémiaire. Il avait même épousé Joséphine Émilie de Beauharnais, qui était parente de Joséphine, la première femme de Napoléon. Et Napoléon, une fois devenu empereur, l'avait nommé directeur des postes. Lucien Gaillard. Napoléon est ensuite défait, ce sont les 100 jours, et la Valette, qui n'avait pas été inquiétée, retrouve naturellement son poste. Mais après Waterloo, c'est lui, entre parenthèses, qui a eu la mauvaise idée de persuader Napoléon de ne pas partir en Amérique, ce qui aurait été mieux pour lui, il aurait évité cette tenelle. Mais dès que Louis XVIII revient, et cette fois-ci Louis XVIII a décidé à sévir, la première fois il avait passé, eh bien, la Valette, qui ne se méfiait pas, puisqu'à la première retour de Louis-Philippe, il avait passé inaperçu, il avait simplement perdu son poste, il est arrêté, jugé co-conspiration, comme Ney, comme la Bédoyère. Et lui non plus disait, oh, ben je serai acquitté ou quelques mois de prison. Mais comme eux deux, il est condamné à mort. Et il était interné dans les caves de la préfecture de police de Paris, dans la, à côté de la Tour Pointue, dans l'ancienne conciergerie. Là. Et il est là, et c'était le 20 décembre, sa femme va demander sa grâce au roi, et le roi la lui refuse. Désormais, la Valette allait être exécutée. Sa femme n'avait obtenu que deux choses. Elle était enceinte de 5 mois, Émilie de Beauharnais. Et elle avait obtenu la permission de lui rendre visite tous les soirs et de venir manger avec lui. Et le premier soir où elle vient, dans sa cellule, elle lui explique le plan qu'elle a conçu pour son évasion. Il suffira pour lui de changer de vêtements avec elle. Et ensuite, elle était accompagnée, Émilie, de sa suivante, une certaine Madame Dubourg. Et lorsqu'à 8 heures, après avoir mangé avec son mari, elle sortirait, soi-disant, son mari habillé en femme, prendrait sa place, tandis qu'elle, derrière le paravent, ferait le plus de bruit possible pour faire penser qu'il était habité. Une fois que la Valette, habillée en femme, aurait réussi à passer successivement plusieurs pièces et le poste de garde et la porte de sortie, il sera attendu à la rue des Saints-Pères par une chaise à porteur, qui le conduirait un cabriolet et qui de là le conduirait à une retraite et puis ensuite on verrait. Et c'est ce que la Valette d'abord ne voulait pas, il avait peur pour sa femme, mais c'est ce qu'il fait le lendemain. Mais ce qu'il y a d'incroyable, d'abord d'heureux, la Valette était corpulent, assez corpulent, il avait du ventre. Heureusement, je viens de vous préciser que sa femme était enceinte de 5 mois, ça l'aidait. Mais en réalité, il était beaucoup plus grand que sa femme, c'était un véritable colosse, de sorte qu'on comprend mal. Et le lendemain, c'est ce qu'ils ont fait. Sa femme rentra dans la prison à 6 heures, elle avait le droit de 6 heures à 8 heures. Hein. Elle venait souper avec lui. Elle rentra dans la prison, elle avait apporté dans un cabas une jupe de taffetas, elle la donna à la Valette, elle lui donna son corsage, et la Valette, habillée en femme, sortit avec sa fille, sa petite fille âgée de 12 ans, mais ce jour-là accompagnait sa mère, parce qu'on avait jugé qu'un enfant, ça faisait toujours attendre ça. Et ils sortirent. Et alors il passe, vous les voyez, passer un premier poste de garde, que cela joue aux cartes, il regarde vaguement, oh, c'est Madame Lavalette qui sort, ça n'est rien du tout. Mais il y en a un autre qui est apitoyé, Lavalette va être exécutée le lendemain. Alors, autre chose, c'était important, car ça permettait à Brave Lavalette de sortir en pleurs, soi-disant, d'avoir son visage dans un mouchoir. Et alors il y en a un autre qui s'apitoie, et ne s'avise-t-il pas, ce gardien, de venir lui donner le bras. Alors Lavalette a une idée, il a faim d'être indigné de donner le bras par les gardiens. Dernière grille. Le gardien somnole. Il faut que la Valette passe le bras à travers la grille et lui frappe sur l'épaule. Heureusement, celui-ci se réveille à peine et d'un geste machinal, il ouvre la porte. Et le voilà dehors. Et alors là, dehors, il s'est passé ce qui était passé. Il a pris la chaise à porteur. Quand il est arrivé à l'endroit, la chaise à porteur se pose. Les deux porteurs fichent le camp, car c'est dangereux. Et la Valette dans sa chaise, plus personne. Il a passé là 15 mortelles minutes, jusqu'au moment où il a entendu le cabriolet, la chaise à porteur qui se soulève, et le cabriolet qui venait le prendre. Et alors, la suite est facile, c'est qu'un des porteurs s'était trompé d'adresse. Tout se mêle. Il avait confondu la rue du Harlay ou avec une autre adresse. La Valette s'enfuit vers la Belgique. Et il s'était rasé, il a mis une perruque. Et puis, lui aussi, mais alors lui, officiellement, c'était un ancien officier, eut l'appui des officiers anglais qui, après Waterloo, occupaient la France et qui, vous savez, qui lui facilitèrent son départ pour la Belgique. Il passa la frontière belge et il alla ensuite à Worms, Mannheim, Munich et finalement il s'établit en Allemagne jusqu'à 6 ans après où Louis XVIII lui accorda sa grâce amnistiante. She may be weary, young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. While she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental. No, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Femmes qui ont donc préparé ou aidé à des évasions. Je ne connais pas tellement d'hommes qui, libres comme l'air, aient tenté de quoi que ce soit pour une femme qui était en prison. Je ne connais pas de cas. Donc, ce n'est pas du cynisme, c'est simplement des faits. Et je disais que ça relevait d'un certain romanesque et d'un certain romantisme. Martine Villoquet m'a dit, de toute façon, à ce moment-là, je pensais qu'on allait mourir tous les deux, mais il valait mieux mourir avec lui que de vivre sans. Alors, c'est presque le mythe romanesque de l'héroïne qui vole au secours de l'homme incarcéré et qui joue là le rôle de l'ange libérateur. Enfin, c'est peut-être un petit peu littéraire, ma formule, mais je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire qu'elles endossent l'uniforme de la battante, de la combattante. L'homme est enfermé. Il faut à tout prix qu'elle le sorte de là. Alors, une Martine Villoquet, c'est quand même une histoire extraordinaire dans la mesure où c'est une petite jeune fille de l'Indre, près de Châteauroux, qui a une vie simple et une vie d'ouvrière dans sa province de Châteauroux, dans un village qui s'appelle Ardentes. Et puis, elle décide, comme beaucoup de jeunes filles qui ne trouvent pas de travail sur place à 17 ans, de venir à Paris. Elle va trouver un travail, je crois, de caissière dans un café, au grand jour, sans problème. Et parmi les habitués qui viennent au comptoir, il y a Jean-Charles Villoquet. Ils vont avoir une idylle. Il lui révélera pas tout de suite qu'il a la douce profession de voyou. Ça viendra plus tard. Et elle va s'amouracher de Jean-Charles Villoquet. Et comme toujours et comme à chaque fois, quand la vérité éclate, la femme suit, parce qu'il ne semble pas que ce soit un argument suffisant pour amener une rupture. Ils vont vivre une vie assez aventureuse, une vie dangereuse et de cavale. Et quand il sera repris, et elle aussi d'ailleurs, ils ont été repris tous les deux en même temps, mais elle va être libérée plus tôt que lui. C'est une libération conditionnelle. Oui, elle a été mise en liberté parce qu'on avait estimé que sa participation était minime dans les faits qui étaient reprochés au couple. Donc il n'y avait pas de raison. On avait estimé qu'elle ne pouvait être que dans la mouvance de son mari. On l'a remise en liberté normalement. Oui. Et donc, c'est cette jeune femme, elle est encore très jeune. Il y a à peine deux années qu'elle a quitté son Indre natale. Bon, on va se retrouver au palais de justice. Alors, comment ça s'est passé? Comment elle a organisé exactement toute l'évasion? Ça, elle le garde pour elle et je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va se retrouver au palais de justice un début d'après-midi, qu'elle va s'engouffrer dans les vestiaires et dans les toilettes avec un paquet sous le bras. Dans ce paquet, il y a une robe d'avocate, une perruque rousse, et surtout dans son sac à main, il y a une grenade quadrillée et il y a un revolver. Elle va enfiler la perruque, elle va le mettre la robe d'avocate et elle va parcourir ce dédale extraordinaire que forment les couloirs du palais pour arriver devant les correctionnels. Ça veut dire qu'elle va parcourir peut-être 300 mètres, 400 mètres en croisant des gens, en prenant en plus le risque de croiser le juge, les magistrats qui ont eu des contacts avec elle, de croiser un policier parce que le quai des Orfèvres et le palais ont des couloirs communs. Et elle va courir ce risque et elle me disait qu'elle avait le cœur qui battait à tout rond dans ces couloirs pour arriver dans une salle d'audience où l'audience n'est même pas encore commencée. Elle va s'approcher parmi le flot des avocats du tribunal. On fait rentrer en effet les détenus dans le box, dont Villoquet qui est en menottes parce qu'il est censé être quelqu'un d'extrêmement dangereux et on ne lui retire pas comme ça les menottes. Et elle attend que l'audience commence. Et subitement, elle sort de son sac la grenade, elle la brandit et elle dit que personne ne bouge ou je fais sauter la salle. C'est assez fantastique qu'elle ait trouvé les ressources suffisantes en elle et en son amour, qui est quand même un amour quand même très récent, je veux dire, de faire ce geste et d'avoir cette attitude. Dans le même temps, elle lance le revolver à Villoquet qui est dans le box, il enjambe ce box, il court derrière les magistrats, il pointe l'arme sur la tombe du président. Et après, ça va très vite, c'est-à-dire qu'il prend le président en otage, ainsi que le substitut. Tous les gardiens de la paix, on faisait pas des gardiens de la paix, le service de l'ordre qui est dans cette salle et qui est censé justement faire régner l'ordre est à quatre pattes, sous les bancs et derrière le box, parce que tout le monde a très peur de cette grenade et de ce revolver. Ils sortent de la chambre correctionnelle, dévalent les escaliers, et là, c'est vrai, ils sont arrêtés par deux gardes extrêmement courageux, parce que tout le monde était planqué à quatre pattes, et il y a le garde Germano et le commandant Guillaume, et le commandant qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Ça, d'ailleurs, le commandant Guillaume a été et reste très grièvement blessé, le garde aussi. Ils ont tenté d'entamer un dialogue avec le couple Villoquet. Villoquet devait être d'ailleurs hors de lui dans ce moment-là, et puis la fusillade a éclaté. C'est un miracle que le commandant Guillaume n'ait été que blessé, mais il l'a été très, très, très grièvement. Et Dieu sait si Villoquet et sa femme ont par la suite regretté les conséquences de leurs actes. Et là, je prends le relais de ce qui a été dit, et ils ont réussi à partir dans le tumulte, et si on peut dire. Mais au prix, à quel prix l'évasion a réussi? Et pendant tout le temps de tout ce dédale des escaliers, en plus, Martine Villoquet reste en tête du groupe et continue de tenir cette grenade. Je veux dire qu'à aucun moment elle n'est démissionnaire. Elle ne considère pas que sa tâche s'arrête à donner un revolver. J'en parle tant plus que c'est jugé. Alors maintenant, il n'y a plus de problème. Elle a un rôle actif et sur le quai, il y a une voiture qui attend avec un moteur qui est en marche et ils vont pousser les otages dedans et ils vont partir comme ça. Elle retire sa perruque pour, et bon, c'est après, ça devient évidemment, ils ne feront aucun mal aux magistrats qui seront libérés simplement. Elle m'a dit que c'était une des conditions. Elle avait participé à cette évasion parce que son mari, enfin son futur mari, lui avait dit que ça se passerait très bien et parce qu'il n'y avait aucun mal pour les magistrats. Hein. Mais ce qui m'avait le plus fasciné dans cette histoire, c'est le chemin parcouru en un an et demi. C'est-à-dire avec quel aveuglement, si tant est que c'est de l'aveuglement, cette femme s'était jetée dans un destin criminel. Parce que de toute façon, il y a un droit pour le prisonnier à l'évasion. Michel Foucault en avait beaucoup parlé en le revendiquant. Et on avait un petit peu extrapolé en disant que Foucault disait que c'était un devoir pour le prisonnier de s'évader. Mais je pense qu'on avait trahi sa pensée à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a un droit pour le prisonnier parce que c'est le droit de l'espoir et c'est le droit de la vie. Et on lui conteste tellement peu que s'il n'y a pas de bruit de prison, il n'est pas condamné à une peine de d'incarcération. Bon, par contre, pour la femme, il n'y a pas de droit à aider son mari à s'évader. Hein. Son droit à elle, c'est d'attendre. Elle a le droit d'aller au parloir, elle a le droit de supporter ses crises de mauvaise humeur ou ses crises de désespoir, mais elle n'a absolument pas le droit de préparer une évasion. Je me demande même jusqu'à quel point... Pour une évasion qui rate, le fait de préparer des armes, de préparer un plan, de préparer toute une technique d'évasion, c'est une complicité. Complicité de tentative d'évasion, non ? Complicité de tentative. C'est-à-dire qu'elle peut, elle passe... C'est le cas de cette évasion qui a échoué à l'hôpital de Fresnes et où le détenu n'en a pas réussi à s'enfuir et sa femme, là aussi, lui avait apporté pistolet, grenade, et où ils ont été arrêtés tous les deux en flagrant délit. Cette femme a été détenue, a été condamnée par la cour d'assises de l'Essonne, à une peine d'ailleurs qui est pratiquement la même peine que celle qui avait frappé Martine Villoquet. Donc la complicité est punie pour une épouse ou pour une compagne. Hein. Mais je disais, puisqu'on a parlé des Villoquet dont je me suis et dont je continue à m'occuper, c'est que là aussi, la boucle a été bouclée parce que les Villoquet ont été repris tous les deux. Ils ont été jugés tous les deux, punis tous les deux. Et puis, la vie a continué de façon différente. Hein. Le malheureux Jean-Charles Villoquet est actuellement détenu dans une centrale avec un avenir ô combien hypothétique. Et Martine Villoquet, elle, a refait sa vie et est redevenue, en quelque sorte, la petite jeune femme qu'elle était au début de l'aventure. Hein. Elle n'a plus rien à voir avec l'héroïne, la mauvaise héroïne de ce fait divers dramatique. Elle est redevenue une femme comme les autres. Still. je dis que je ne porte pas de jugement de valeur. Mais si vous voulez, sur un plan technique, et je fais très attention à ce que je dis, il y a une évasion à laquelle je songe et qui a échoué lamentablement. Et c'était un détenu de Fleury-Mérogis qui a réussi et qui bénéficiait de la... J'en parle parce que l'affaire a été jugée, donc les deux ont été condamnés. C'est du domaine public maintenant. Il avait bénéficié de la complicité de son épouse. Et il avait réussi à scier les barreaux de la cellule de Fleury-Mérogis, ce qui n'est pas rien, quand on connaît les moyens techniques appropriés à Fleury-Mérogis pour que les gens ne s'évadent pas. Procédé classique, il a noué ses draps ou il s'est servi de morceaux de toile de sommier mise bout à bout. Il a réussi à descendre dans le premier chemin de ronde, je crois, de Fleury-Mérogis. Il a escaladé un mur, il a redescendu ce mur. Il avait confectionné, mais c'était à s'y méprendre, il avait confectionné avec de la mie de pain un pistolet qui devait lui servir éventuellement à immobiliser les gêneurs qui auraient pu survenir. Et c'était un pistolet, je l'ai vu au scellé de la cour d'assises, c'était un pistolet dans l'ombre qui ressemblait effectivement à une arme véritable. Et puis il avait été convenu que son épouse l'attendrait à un des murs de ronde qui donnait sur l'extérieur. On ne saura jamais ce qui s'est passé exactement. Il est probable qu'il n'avait pas pu communiquer comme il l'aurait souhaité. Mais elle l'attendait d'un côté, lui était de l'autre. Ils ne se sont jamais rejoints et il a été repris bêtement lorsque l'administration pénitentiaire s'est aperçue que lors d'une des rondes qui ont fait suite à l'évasion proprement dite, lorsqu'on s'est aperçu qu'il avait décellé sa fenêtre, on a immédiatement cherché par où il était passé, on l'a retrouvé, et on l'a retrouvé tout bêtement, si je puis dire, l'arme à la main, au pied d'un mur de ronde, alors que sa femme l'avait attendu pendant une ou deux heures de notre côté. Je réfléchissais aussi dernièrement au sujet de l'évasion de François Bess, que quand on est à ce nombre d'évasions aussi important, et qu'on a une peine de prison à effectuer qui est aussi longue, à savoir un homme qui est condamné pour 20 ans en perpétuité. Malheureusement, le fait de s'évader plusieurs fois, c'est peut-être la seule chose qui permet de ne pas avoir une castration sexuelle qui pourrait, suivant les individus, être définitive. Parce que je pensais au cas de François Bess, qui est quand même qui normalement est un passé carcéral déjà très très lourd, mais dans la mesure où il s'évade tous les 4 ans ou tous les 3 ans, tous les 5 ans, il est sûr que ça lui permet d'entretenir une certaine santé sexuelle et que si ce n'était pas le cas, même si... Si, évidemment, parce que quand même la prison est avant tout une castration aussi bien pour les femmes que pour les hommes. L'évasion permet aussi un réajustement affectif et sexuel. C'est sûr que voir un homme derrière un parloir, dans un parloir, derrière une glace, un plexiglas sale, où on s'entend très mal dans une ambiance de cris et aussi de chuchotements, c'est on ne peut plus frustrant et sexuellement c'est totalement castrant. Donc quand la femme aussi aide à l'évasion, elle a un besoin viscéral de retrouver un contact physique avec l'homme qui est incarcéré. Parce que on pourrait considérer, il y a des femmes qui sont contentes que le contact intellectuel ou le contact du courrier qui est fascinant, je veux dire, il y a des romans fleuves qui s'écrivent entre des détenus et leurs femmes, pourraient être suffisants ou permettrait de sublimer la relation. Mais en fait, c'est totalement faux. Elles ont un appel physique qui est fantastique. Et donc, s'évader, c'est aussi se retrouver ensemble, physiquement, faire l'amour. Et je pense que ça, c'est un attrait irrésistible. Bien plus que le fait d'être revivre ensemble ou de partir ensemble dans un pays lointain. C'est avant tout le toucher et le revivre une relation de chair et non plus une relation de béton ou de plexiglas. Et c'est peut-être pour ça que les femmes adhèrent si parfaitement et si totalement à l'idée de l'évasion. Ceci dit, il y a beaucoup de femmes aussi qui considèrent qu'il vaut mieux peut-être terminer une peine dans la mesure où elles sont persuadées qu'elles attendent. Donc elles savent qu'il y a tout intérêt à ce que le détenu reste tranquillement dans sa cellule, tranquillement entre guillemets, et puis que de toute façon elles seront là à la sortie et qu'on reconstruira un présent à peu près potable. Donc Il y a d'autres femmes qui sont absolument contre les idées d'évasion et puis qui ont une peur bleue parce que l'évasion c'est dangereux, qu'à l'intérieur d'une prison, si on tente de s'évader, on peut se faire tuer par des gardiens, on peut être descendu comme des lapins par des tireurs d'élite, ça s'est vu plusieurs fois. Alors l'évasion à ce risque-là, elle recule. Mais pour les autres, celles qui considèrent qu'elles n'ont plus rien à perdre, alors là, elles ont des ressources d'énergie fantastiques, c'est certain. Certains. Et les enfants comptent plus d'ailleurs, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que même si elles sont mères de famille et même si elles ont un enfant, la liberté, mais la liberté de l'autre, même au prix de leur liberté à elles, ça ne compte pas. S'il y a des barreaux, ça peut être parfaitement compris. Menacer des gardiens, tirer aveuglément ou même s'évader d'un palais de justice en blessant plusieurs personnes et prêt à tout pour s'en sortir, c'est quand même là nettement répréhensible, il n'y a pas de doute. Et en même temps, dans cette galère qu'est l'évasion, parce que c'est de toute façon l'évasion est une galère dans la mesure où après la joie de la liberté retrouvée, de l'air libre, c'est une traque. Une traque impitoyable où il y a un homme qui fuit, qui est pourchassé, qui ne peut se poser nulle part, qui a peur à tous les instants qu'une voiture s'arrête ou qu'une porte s'ouvre, et il l'emmène dans cette galère et elle rame avec lui sa femme, son amie. C'est une responsabilité qui d'ailleurs en principe ne fait absolument pas peur aux détenus. Le fait de mettre dans le bain leur compagne, c'est quand même pas leur problème. Elle vient ou elle vient pas. De toute façon, ils s'abritent toujours derrière l'idée qu'elle est venue librement. C'est un choix. Bon. Mais c'est sûr que c'est pas une vie pour une femme. Le détenu a la cavale qu'il a voulu, en fin de compte. Pour la femme, c'est une vie absolument impossible. Il y avait une femme aussi dont j'avais fait l'interview et qui me disait « Pour rien au monde, je recommencerai une vie de cavale. » Martine Villoquet aussi m'avait dit « La cavale, c'est l'enfer. On vit pas. » Parce qu'en fait, très très vite, après la joie des retrouvailles et de l'exploit et de la réussite du coup, très vite, c'est la peur permanente. C'est ce qui caractérise les relations d'un couple qui mène une vie de cavale, c'est la peur continuelle. Les amis qui tournent le dos, des gens qui vous devaient tout et qui subitement se détournent et non seulement vous doivent plus rien mais font semblant de ne plus vous connaître, c'est une course impitoyable pour trouver de l'argent, des vêtements, des papiers. Essayer de s'enfuir à l'étranger, parce qu'en fait, en France, systématiquement, ils sont repris assez vite, alors que l'étranger, parfois, ça dure un peu plus longtemps. C'est pas une vie. C'est une vie de crise, et qui, à la longue, devient usante, même pour le couple. Il y a des couples qui se séparent après avoir réussi une évasion, après avoir eu un temps de cavale. Quand les deux sont repris, la femme laisse tomber après parce qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue. La seule façon dans une vie de cavale pour à nouveau vivre normalement, c'est d'avoir de l'argent. Il faut absolument que le couple parvienne à obtenir de l'argent. Comme les amis se défilent, il faut à nouveau faire des hold-up, ou braquer une caisse d'épargne. Bon, ça veut dire que la femme là ne doit plus avoir un rôle de spectateur, mais doit devenir active. Il faut qu'elle conduise la voiture ou qu'elle aide, parce qu'il n'y a personne pour les aider. C'est-à-dire que c'est un cycle infernal de délinquance et donc l'évasion à deux, bon, bah, très bien, il y a l'exploit, mais derrière cet exploit, il y a une réalité. La réalité de la cavale est sordide, vraiment. La Belle, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Milovanov, La Fille de l'air. Avec René Girier, Serge Livrosé, Maître Philippe Lemaire, Maître Jean-Louis Pelletier, Isabelle Pelletier, journaliste, Lucien Gaillard. Nuit magnétique, Didier Cornier, Jean-Marc Papadachi, Patrick Molinier, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Milovanov. Bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 30 mars 1983. La suite, demain. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.